Auditeurs, auditrices de Radio Chevaucheur, Lysiane vous dit bonjour. Votre émission Quoi de neuf? On est le 12 février. Miss Belgique à la panne, attentat déjoué avant la finale. Les carnavals sont enfin de retour. L'hiver, nous allons le faire partir pour laisser la place à l'été. Le soleil sera au rendez-vous dès demain. Les anniversaires People. Aujourd'hui, nous avons Neil ici. Demain, Vané. Mardi, Angèle Di Maria. Mercredi, Axel Red. Jeudi, Eva Max. Vendredi, Alice Donna. Et samedi, Monty. Et dimanche prochain, Professeur Tournesol. Nous fêtons aujourd'hui la Saint-Félix. Bonne fête à tous les Félix qui écoutent Radio Chevauchoir. Malheureusement, je n'ai pas trouvé directement le titre que je voulais, mais je vais vous le dire, Félix, il a un gros kiki. Dimanche prochain, dimanche qui est aujourd'hui, eh bien n'oubliez pas, nous aurons Philippe et Brigitte pour la guinguette de Radio Chevauchoir, claviériste, chanteur et accordéoniste à 14h. Dimanche prochain, nous aurons le 19 février l'accordéoniste, chanteur, claviériste Dani. Pour le repas, ce sera un spaghetti bolognaise et un verre de vin compris avec la participation, toujours au prix de 15€. Le dimanche qui suit, le 26 février, vous serez en compagnie de Jean-Yves Quinet. Le 5 mars, vous serez en compagnie de Jacqueline Résimont. Le 6 mars à 17h45, Radio Chevauchoir aura 41 ans et vous aurez le discours de Radio Chevauchoir en direct. Et on continuera au mois de mars avec Josiane Martin, Manu de Fleur et encore beaucoup d'autres à Radio Chevauchoir. Mais on parle du 25 février, c'est un samedi, le 25 février, jeu bingo avec Delo. N'oubliez pas, bien sûr, de vous inscrire. Bonne fête à tous les Félix qui écoutent Radio Chevauchoir. Et notre standard est ouvert, si vous voulez m'appeler, c'est le 0910-157. Bon week-end de la Saint-Valentin à toutes les personnes qui le fêtent ce week-end. Il y avait beaucoup de monde, hein, en tout cas au restaurant. Alors, toutes les personnes qui fêtaient déjà hier, une bonne fête de Saint-Valentin. Les autres qui le fêtent aujourd'hui, eh bien également. Et à Radio Chevauchoir, merci de votre fidélité. Et pour les dames qui ont un vase, n'oubliez pas, messieurs, d'offrir des fleurs. N'est-ce pas, Gélos? Ce dimanche après-midi, à 14h, nous aurons l'orchestre avec Philippe et Brigitte à Radio Chevauchoir pour l'après-midi. Et pour, n'oubliez pas, dimanche prochain, nous aurons Dani et le repas, ce sera des spaghettis bolognaises avec un verre de vin. Et alors, pour les personnes qui aiment la raclette, le comité de Walsall vous invite le 11 mars à leur salle à Walsall pour le repas raclette. L'animation, ce sera Patrick Duquenois. Si vous voulez y aller et que vous voulez réserver à Radio Chevauchoir, c'est possible car nous serons de la partie. Voici l'apéritif musette. Bien le bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Chevauchoir qui viennent de prendre l'antenne salésienne avec vous jusqu'à midi. L'émission est parrainée par Marcel et Martha, Rose de Sombref, Édouard de Givet, Viviane de Givet, Nadine et Jacques, Reine-Marie de Mettet, Papy Georges de Thon, Madame Antoinette, Gisèle de Gève, Nicole et Jacques, Christian de Jeanblou, Alain de Malone, Anne-Marie de Jambes et Loulou et Mireille d'Ivoire. Cathy Minet qu'on retrouvera le 9 avril à Radio Chevauchoir, Aimé. Et pour la Saint-Valentin, on écoute Aimé. Si vous n'avez peut-être pas trouvé l'âme sœur de la semaine, eh bien vous pourrez peut-être le trouver aujourd'hui à Chevauchoir. Bonne Saint-Valentin à toute l'équipe de Radio Chevauchoir, spécialement à mon épouse, encore beaucoup d'années de bonheur ensemble. Une bonne journée à Monique et Daniel, une bonne Saint-Valentin Monique et Daniel, ainsi qu'à Ernest et José de Natois, à Julien et Marie-Thérèse, à Loulou et Mireille d'Ivoire, et également une bonne journée à Tante Eliane de Wipio, René et Patricia de Lay, Viviane de Givet, Georges de Thon, Rose Sinet et toutes les personnes qui sont à l'écoute de Radio Chevauchoir et une bonne guérison à tous les malades de la part de Julien et Hélène de Dinan. Merci les Dinantais et bonne journée. Bon dimanche à toute l'équipe de Radio Chevauchoir. Un petit coucou à Anne-Marie de Saint-Denis qu'elle s'amuse bien à Radio Chevauchoir pour Papy Georges de Thon, Daniel, Monique, Zélia de Wipion, Madame Antoinette, Simone de Wartet, Claude et Yvonne de Spa, Tante Eliane de Wipion avec une bonne guérison. Félicitations à notre nouveau cavalier Richard et notre cavalière Yvette et bonne continuation à soutenir Radio Chevauchoir. Pour ma petite fille Alisa et la famille de Bambois, une bonne Saint-Valentin à toutes les personnes qui le fêtent en ce week-end et surtout en ce dimanche à Radio Chevauchoir. Pour Rose de Sombref et de Ciné, Monique de Buzet de la part de Christiane de Jeanblou. Merci Christiane de ton appel. Bonne journée à toi et une bonne Saint-Valentin à Brigitte et André.